Leçon 26. 26e leçon. Savez-vous conduire? Première partie. Madame Louvier apprend à conduire. Les choses vont de mal en pis. Je reviens de faire des courses. J'ai cru ne pas pouvoir rentrer. Dans les rues, la circulation est pratiquement arrêtée. Ah, comme je voudrais vivre en province. Comme j'aimerais habiter une petite ville. J'adorerais pouvoir faire mes courses sans être pressée. Je me lèverais tranquillement le matin. Nous déjeunerions les fenêtres ouvertes. Et nous entendrions le chant des oiseaux. Au lieu du roulement ininterrompu des voitures dans la rue. Je finirai mon petit ménage tranquillement. Et j'irai faire mes courses sans être bousculée. Ah, ce serait merveilleux.